oui, je m'emporte. Si j'ai tort, un peu plus, j'allais me conduire comme un butor. Mais tâchons de la séduire, c'est le printemps, les chemins sont perdus, faut-il faire assurer les buts. On se couche dans la voiture, on se sent verser son chaos, et l'on suit du regard là-haut quelques nuages qui voyagent à l'aventure. Et vous ne me répondez rien, mais non, eh bien, préférez-vous café le long des fentes, coupe leur odeur, nous allions respirer l'odeur des ombétis. Ou cueillir les grelots argentés des muguets dont les feuilles ont l'air d'oreilles aux aguets pour écouter la rire aiguë des merles. Voulez-vous un collier de perles? Tout ce qui peut vous plaire, oh, pourrais-tu que j'obtienne un regard complaisant, tout, souvenez-vous-en, avec de doux yeux sans reproche, de leur appel au puits où nous étions si proches.